devant l'autre, j'essaie de ne pas faire de faux pas. Même si parfois quelqu'un me fait pleuvoir des reproches, oh, sans que je puisse me défendre sur quoi que ce soit, je dois pouvoir être dur et éviter la pluie. Tant je ne subisse tous les dégâts, dégâts qui rongent mes entrailles, telle une goutte de lave sur la roche. Dois-je vivre ou survivre? Moi j'ai fait mon choix. Le goût de la croix. Autour de moi, les gens peuvent avoir la critique facile. Ils me déchirent avec leurs nombreux mobiles. Mais toutes ces épreuves me rendent plus forte et intouchable. Oh, je dois avouer que cette sensation est agréable. Car à deux, nous ne serons jamais dans l'impasse. Dois-je vivre ou survivre? Moi j'ai fait mon choix. Je veux cette chaleur qui enivre, ce parfum qui a le goût de la voix. Qui a le goût de la voix.